Bonjour. Ta soeur. Bonjour. Elle arrive. Bonjour, ma soeur. Tu te souviens d'elle? Oui, bien sûr. Yeah, yes, voilà. Comment vous allez? Ça va bien. Amen. Frère Junior, bonjour. Et ça va, à 11h. À 11h. Tu dis bonjour à ton frère, 11h. C'est la chambre. Ah, non, c'est pas ça, mais ce qui est cassé, elle a mis la mise dehors. Elle est où, ma soeur? Elle est dans la chambre, là-bas. Elle est attirée là-dedans. Depuis qu'elle est dans la chambre aujourd'hui. Depuis là. Comment tu as dormi alors? Oh, j'ai bien dormi, frère Junior. Et vous avez eu un posé en bas là-bas? Ah, frère Junior, tu sais que là où nous sommes réunis, il y a seulement on peut plus parler du Seigneur. On ne peut que parler du Seigneur. Vraiment, ça me plaît vraiment. Et tout à l'heure, j'ai compris. Vous me dites pas pourquoi est béni. Je me rends. Amal, que tu ne vois pas acheter une très belle Bible que tu as acheté pour toi. Non, Amal, que je n'ai pas acheté. C'est un cadeau. Qui t'a donné? Une maman, là. La maman que je suis allée voir dimanche. C'est que vraiment là, là, il faut vraiment l'embrasser. C'est qu'elle t'a donné là. Je te dis, c'est elle. Ce que je lui ai dit ce matin. On est... Quand je t'ai dit que j'allais en Dopassi, dimanche après le culte, non. Une maman, elle a dit qu'elle voulait me voir. Moi, je ne savais pas pourquoi elle voulait me voir. Elle dit, ah, comme quelqu'un a dit, on refuse pas l'appel, mais c'est l'objet de l'appel qu'on refuse. Quand j'arrive là-bas, elle me reçoit, elle me dit, elle me pose une question. Elle dit, ma fille, je veux que tu sois sincère, que tu m'ouvres ton cœur, je suis ta mère, et pas peur de moi. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Tu as dit que vous êtes wonderful. Elle m'a dit, pour moi, elle est venue ici, voilà. Oh, mais je comprends. Tu as fait ici, là. Ouais, t'as fait pour ça. Ouais, je pensais qu'il y avait autre chose derrière. On a parlé de ça pendant 3 heures de temps. Donc, on lisait la Bible, moi je lisais dans mon téléphone, non. Parce que je n'ai pas amené de Bible. J'avais mes téléphones, je dis que tu as la Bible, je dis oui, j'ouvre. Quand je lis, je lui dis que je ne comprends pas. Elle demande à son mari de lui apporter la Bible là. Elle me dit, lis ici. Je lis donc dans sa version. Elle me dit, tu comprends mieux, non. Je lui dis oui. Elle me dit, ok. Quand on finit donc, je lui demande que maman, tu as trouvé ça, ça coûte combien? Elle me dit que. Je ne sais pas, on m'en a offert comme ça plusieurs, j'en avais au moins 6. J'ai discuté. Ça, c'est tout ce qui me reste. Quand elle m'a dit ça, elle a fermé ses yeux comme ça. Quand elle a levé les yeux, elle a fait comme ça. Donc, ça, c'est le meilleur cadeau qu'on t'a offert, ça, c'est le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, vraiment. Je lui ai dit ça ce matin. C'est très joli encore. Et les paroles, elles sont françaises, vraiment simples. J'ai lu quand même sa Bible, c'est sa Bible que je vais acheter. Il y a sa version en parole de vie. Il y a la grosse version, c'est ça. C'est la même version. La même version. Donc là, c'est parole de vie. Il y a la parole de vie, là, c'est. Il y a des femmes qui vont venir, celles qui vont venir en France, qui vont demander de me trouver. Il y a trois versions, là, parce que ça va t'avoir qu'on peut trouver ça. Oui, madame. On a fini de poser comme ça là. Alors toi, tu n'as pas Wanda sur elle. Elle n'est pas allée, elle n'a pas parlé d'autre chose. On a seulement parlé de Dieu. Elle me dit qu'il faut que je prenne la décision de servir le Seigneur. Que quand, ça dit que depuis qu'elle me voit, elle a envie de me parler. Elle a envie de me parler. Elle a donc dit, ok, il faut qu'elle me parle. Elle a demandé à maman Joséphine de me dire qu'elle veut me voir. Seigneur, il a tous les moyens. Tu vois, quand il dit aux gens que vous me fuyez, si vous allez à l'import, vous allez me trouver. Non, on te trouve partout, tu as des gens internationaux. J'ai l'impression de vous remarquer quelque part. Mais c'est ici hier, non? Non, en dehors. Même hier, je l'ai regardé comme ça. Vous jokaillez là, peut-être vous êtes joker, vous avez rencontré quelque chose. Tu voulais dire quelque chose? Tu habites au Bétaneuf. Tu habites au Bétaneuf. Mais la zone est beaucoup. Vous avez donné la zone, je vais vous parler de Dieu. Non, peut-être c'est une peut-être sa voix quand je dors ou bien quand je suis hors d'ici, j'entends toujours ta voix. Tu vois, là, c'est mon cœur. Toujours la parole. Non, on va prier comme ça, il faut qu'il donne la direction, je ne pas comme ça dans votre. Si je peux qu'on fasse comme ça là. Seigneur, merci. La prière, on va toucher l'âme. Non. Voilà. On parle d'abord. Prends ta Bible. Maîtresse. Donc, tu as lu ça, comme il dit à la femme de l'église. Tu as lu donc, tu as retenu quoi? va pas très bien. Parce que tu disais que tu bavardais. Non. Baisse là le volume du téléphone, on commence. Écrit le message. Parce que là, je suis venu dans la sauce. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. On va puiser d'abord. Pour aller bombarder ensuite. Manquer. Donc quand je viens ici là, il faut que je dois faire 3 jours. 4 jours, une semaine. Oh, toi tu venais d'abord pour te faire rentrer demain. Oui. Elle me dit le matin que toi tu sais que quand tu viens chez Frère Junior, ce n'est pas pour un jour, pour 30 minutes. Voilà, qu'est-ce que Mathieu 13 dit? Mathieu 13 dit, c'est mon jour. Jésus sorti de la maison. Non, non, ne veux pas que tu lis. Vous avez quand même lu quelqu'un au niveau. Mm-hmm. Prenez plutôt Luc, chapitre 11. Luc 11. Elle va prendre sa Bible. Ta chaîne ne doit pas te laisser. Tu t'as du père, si tu n'as pas, tu la vois. Merci. Attends, celle-là vient. Luc, chapitre 11. Tu as la Bible dans ton téléphone. Mm-hmm. T'inquiète pas, vous allez les avoir. Tu peux doubler ta chaise, mais tu peux doubler. Quand tu as fait les avoir, c'est la délivrance. Luc, je peux le prendre. Tout le monde, je vais inverser. Non, je vais donner le verset. Attends qu'elle soit là. 25, 26, 27. Allons-y. De 25 à 27. Chapitre 11. Okay. On va, à partir de là, on va prendre un sujet et je vais développer le sujet maintenant pour vous mettre sur les rails. Nous sommes d'accord. Parce que l'une des choses que tu as dit, c'est que tu veux marcher d'après la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous voir en train de là, à l'intérieur de l'autre, je ne vous dis pas la vérité. Ça ne vous servira à rien. D'accord? Allons-y, disons. Et quand il arrive, il la trouve balayée. Chapitre 11, verset. 25, 26, 27, 28. Tu es au chapitre 11, tu n'es pas au chapitre 12, tu n'es pas au chapitre 11. Là. Il retourne et voit que la maison est balayée. Oui, c'est ça. Lui. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. S'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je veux que tu me dises ce que tu veux dire en ton propre mot. Ou bien, remets un peu plus depuis le verset 20, d'accord? Pour qu'on voit l'histoire, pour qu'on suive ce que vous remettez. Je commence à 20. Hein? Mm-hmm. Ok. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort est. Est-ce qu'un homme fort et bien armé garde sa maison? Ce qu'il possède est en sûreté. Oui. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Tu entends ce que je vous ai dit, non? Si un bandit de la maison propre, lorsqu'on met l'alarme sur le chef de la maison, c'est terminé. On va prendre même pourquoi on veut la maison. Nous sommes d'accord. Même quand on va en guerre, quand un militaire, quand on met l'alarme ici, même si l'alarme, il a la bombe, celui ne bouge plus. Là où il est là, parce qu'il est au garde. N'est-ce pas? Avançons. Il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Stoppons d'abord là. Je veux que vous gardez bien tout ce qu'on a donné. Parce qu'il dit, c'est là où je vais développer. Soit tu es avec Jésus. Soit tu n'es pas avec lui. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Donc il n'y a que deux positions. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Continuons. Puis il va maintenant parler de l'esprit qui sort du corps. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est-à-dire dans le corps de la personne. C'est ça, non? Continue, je te suis. Non, je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée. Quand tu vas venir au verset 26, tu arrêtes au verset 26, toi, il arrive. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend sept autres petits plus méchants. Sept autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Là, tu as compris de quoi il est question, n'est-ce pas? Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bah, essaie d'expliquer, nous expliquer maintenant en ta propre langue, en ta propre parler, tes propres mots, ce qu'il a dit. C'est quand on doit parler là-bas. T'as ceux qui parlent comme ça. Ne tente pas, manquer. Comme tu nous négliges là. Qu'est-ce que ça dit? Dieu ne veut pas qu'on le cherche à tâter. Non, parle dans l'histoire, parle de l'histoire. Oui, l'histoire de... C'est ici, non, quand on dit celui qui n'est pas. J'ai chassé le démon dans le corps de quelqu'un. Arrivé, il a été guéri. Il faut qu'il cherche où s'abriter, il ne trouve pas. Il le fait rentrer où il est sorti. Oui. Arrivé, il avait constaté que le terrain n'est plus le terrain où il était sorti. Donc, on a dit plutôt que c'est vide et orné. Ça veut dire qu'il est donc il est Dieu donc il n'est plus il n'a plus de place là-bas. Comment il n'y a plus de place? Puisqu'on a dit qu'il va chercher cet esprit plus méchant que lui, il vient s'établir. Il vient passer pour ça veut dire que quand on te délivre, ça veut dire que quand on te délivre, tu dois continuer à suivre Dieu. Voilà, ça veut dire que tu as compris le message que Jésus. Sinon, continuons. Quand on te délivre, tu dois continuer à suivre Dieu. Sinon, ta situation sera encore plus pire. Voilà, applaudissons pour elle. Donc, tu as compris le message que Jésus a dit. C'est pour ça que tu as dit qu'on peut prier parce qu'il a des enfants à l'école. Lorsqu'on commence le livre, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, c'est un. De deux, il ne vient pas commencer le président sans te dire. Parce que. On peut te chasser un démon, ça revient sept fois encore plus grave. Tu deviens plutôt fort cette fois-ci. Donc, si tu vois que tu ne peux pas marcher, c'est mieux qu'on ne chasse pas celui qui est là. Que tu restes avec celui-là, tu connais pas, avec qui tu connais déjà. Donc, s'il y avait sept autres esprits plus méchants que lui, on dit que la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc, ça aurait été mieux que tu restes dans la première condition. Alors, donc, ça, la question maintenant, c'est comment il dit, lorsque un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides cherchant où ose le repos et n'en trouva point. Il s'est dit, j'entrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc le démon, même si on cherche un démon, il te reconnaît, même si il n'est pas où sur la terre. Il le connaît que voilà l'endroit où j'étais. Même si tu prends, si on cherche un démon à toi, là, après tu fuis, tu pars en Amérique. Le démon n'a pas besoin de prendre l'avion. C'est l'esprit. Voilà. Alors dans ce cas, il te pose la question, j'ai retourné dans ma maison d'où je suis sorti. Puis il dit, quand il vient, il trouve la maison balayée et ornée. C'est quand même terrible comme balayer et orner. Ça veut dire qu'on lui a donné encore des choses encore qui lui plaisent seulement. Ça veut dire qu'on a mis encore dans la maison des choses qui lui plaisent. Parce qu'on dit qu'on a balayé la maison, on a orné, c'est ce qu'on a nettoyé pour que ça donne la convivialité aux gens qui vont y entrer. On peut pas dans ce moment. Il dit balayer et orner. Il dit ok, merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit sort de ton corps, tu dois faire tout pour qu'il n'y ait plus quelque chose qui les attire là-dedans. Balayer et orner, ça veut dire quelque chose qui les attire. Il ne doit plus avoir quelque chose dans ta vie qui les donne le droit de venir s'y établir. Tu as compris cela? C'est donc pour ça que quand Jésus délivre les gens, il a dit que va et ne pêche plus, de peur qu'il n'arrive rien de pire. T'as bien suivi? Maintenant, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui peut donc faire éviter les démons dans notre corps? Il faut répondre à cette question-ci. Le péché? C'est là, non seulement le péché, parce que quand on dit péché, péché c'est vague. C'est vague. C'est le péché, c'est comme quand tu prends un arbre, il y a les racines, les ramifications que ça peut prendre. Le péché, normalement, d'après la Bible, c'est l'incrédulité. Et le vrai péché, c'est l'incrédulité. Les autres choses, maintenant, en découlent de là. Si tu crois à Dieu, tu ne dois pas faire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Quand tu ne veux pas, tu fais ce que Dieu ne veut pas, c'est parce que tu es incrédule. Tout le quand tu vas forniquer, c'est parce que tu es incrédule. Parce que si tu croyais, tu ne ferais pas cela. Donc, c'est l'incrédulité qui est la base. Toutes les autres découlent de l'incrédulité. L'incrédulité là en fait. Ça veut dire que tu ne crois pas. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Parce que tu crois qu'il est sauveur, tu es délivré de ton péché. Tu ne crois pas, tu demeures là-dedans. Alors quand on dit péché, c'est péjoratif. Le péché, quand on dit fumer, c'est le péché. Aller boire, ce sont les péchés. On ne peut pas les nommer tous. Donc le péché normalement, c'est l'incrédulité. Les autres, tu vas citer, c'est les ramifications de ces péchés-là. Donc chacun a seulement un des attributs. Tu vois cela, si tu dis un homosexuel, tu vois qu'un franc-maçon sera dit que non, c'est l'homosexualité là, c'est pas bon. Lui-même est dans la franc-maçonnerie. La foi mentionnée, c'est une secte qui n'est pas aussi bon. Donc lui, il vit dans un autre aspect du péché, mais il condamne quelqu'un qui est aussi dans le haut, dans le péché. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit que d'abord, premièrement, la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras voir donc, la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc si tu veux aller accuser quelqu'un, sache que tu es aussi le plus grave. Alors, non, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à s'arranger. Un, comment se fait-il que les esprits peuvent nous entrer? Suivez attentivement, suivez très attentivement. Le fer est attiré par l'aimant. Oui ou non? Oui. Si je mets les feuilles ici, on met toujours les choses ici sur la table, ici, les choses en cuivre, ici en nylon, en plastique. Il y a le clou par lui. Je fais traverser l'aimant. L'aimant va traverser sur la feuille, bousculer, continuer sa route. N'est-ce pas? Traverser sur le cuivre, bousculer, continuer sa route. Sur le, n'importe quel autre plastique, bousculer. Quand ça va soulever le fer, ça va faire pas. C'est-à-dire que l'aimant n'est attiré que par le fer. L'aimant a la propriété d'être attiré par le fer. Le fer attire seulement l'aimant. Ce n'est pas le fer qui a fait que ce soit comme ça. Ce n'est pas l'aimant qui a fait que ce soit comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. Ok, donc c'est vrai, on dit naturellement, il y a des choses qui attirent les esprits. Naturellement, sans que tu ne le veux. Que tu sois conscient ou pas. Si le nylon dit que moi, je ne suis pas conscient, que je, si je ne suis pas d'accord avec lui, il y a un peu quand l'aimant va passer, ça ne va pas l'attirer. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on parle donc de la crainte de l'Éternel. Quand tu ne crains pas Dieu, n'importe quoi peut t'arriver, n'importe quoi peut t'arriver. Il a commencé par là, dire que celui qui n'est pas avec moi est contre. Et si tu es contre lui, donc tu es avec son ennemi. Qui s'appelle qui? Lucifer. Donc si tu vois que tu n'as pas besoin d'aller entrer dans le cercle pour tuer quelqu'un, tu n'es pas d'aller en, tu n'as pas besoin d'aller à voter dans pour dire que tu n'as pas besoin. Tout simplement le fait que tu n'es pas avec Jésus-Christ, que tu l'admets ou non, que tu fasses du mal ou non, que tu fais du bien ou non, tu es chez Satan. Donc la majorité des gens que tu vois sont les satanistes. Il y a les satanistes non pratiquants, comme il y a les catholiques non pratiquants. Il y a les catholiques pratiquants, mais il n'en aimait pas moins qu'ils sont tous catholiques. C'est bien compris. Donc il suffit de faire quelque chose que la Bible n'interdit. Et là tu es du camp de Satan. Donc c'est-à-dire en proie aux démons. Ils sont allés doucement. C'est pour ça qu'il vous dit, faites attention avec le message que vous avez pris parce que ça ne donne pas le lait. Tu veux marcher avec Dieu, tu as dit ça y est, tu vois encore, tu peux encore réitérer là maintenant là pour qu'il continue. Tu veux marcher avec le Seigneur. Et donc, tu penses que tu attends, pas l'esprit sort, il peut sortir là, une, deux sortes là-bas, tu, en prenant la moto, tu prends 14. Tu me suis un peu. Je suis, parce que je garde ma foi. Maintenant, suis attentivement maintenant. Donc, le verset 27, il va voir nos meubles, mais j'ai seulement mis. Allons-y. 27. Tandis que Jésus parle. Non. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme leva la voix du milieu de la foule et dit quoi? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté. Oui. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Stop là-bas. Il pose la question. Comment? Donc, ça veut dire que Jésus est en train de parler à la foule. Le renseignement, le verset, c'est venu dans le renseignement qu'il parlait à la foule. On dit, une femme éleva la main de quoi? La voix du milieu de la foule. Il dit que, heureuse les seins qui t'ont porté, heureuse la maman qui t'ont allaité. Qu'est-ce que ceci a à voir avec la mère de Jésus? Jésus a donné un principe pour tout le monde. Cette autre femme, si c'est lève la voix du milieu de la fille, commence à parler plutôt du mari. Nous sommes d'accord? Ah, je comprends. Donc, ça veut dire que c'est là où. Non, ne t'inquiète pas, je sais où je vais en venir. Je vais en venir doucement. On dit, tandis que je te parlais ainsi, il a commencé à dire que soit tu es avec moi ou tu n'es pas contre, ou tu es contre moi. Il a cité sa mère là-bas. Il a parlé de Joseph. Il parlait de lui. Oui. Quand il finit, après, il dit, faites attention quand on vous délivre. Quand on vous délivre, vous avez une vie conséquente à mener. Un principe, vous devez savoir que si ce n'est pas comme ça, votre situation pourra devenir pire à cause du fait que vous ne connaissez pas ce principe-là. Il finit directement, une femme lève la voix. Quoi, à la principe de mari. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a répondu quoi? Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien sûr. Donc la femme a voulu désorienter la foule. Jésus les a ramenés encore sur le même chemin. Que le but, c'est d'écouter ce que Dieu dit et vivre comme Dieu dit. C'est pas heureux, Marie. Marie n'est pas heureuse. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche quand il était vivant. Oui ou non? J'aime la Bible, je vais parler maintenant. On a bien dit, heureux ta mère. C'est pas ça que ta mère est heureuse. Les seins qui t'ont arrêté. Il n'y a pas deux seins qui l'ont arrêté. On parle de sa mère ici. Ouais. Nous sommes d'accord. Que mince, la femme qui t'a vraiment porté, la femme va être heureuse. Je veux dire que ce n'est pas elle. Que elle n'est pas importante. C'est les personnes qui sont importantes. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Oui ou non? Oui. Alors je pose la question. dans ce cas, pourquoi on dit que bienheureux Marie, très sainte Vierge, priez pour nous pour pécher. Pourquoi on dit ça jusqu'à dire autre chose? C'est là où il va revenir. Parce qu'on veut toucher la prière. On ne peut pas faire le mélange entre le macabre et la patate pour essayer de bouillir deux minutes. C'est que la patate peut un peu tolérer que tu le manges. Le macabre ne tolérera pas. Tu peux mettre le macabre avec la patate là deux minutes au champ. Au soir, tu coules la froid, puis tu vas prendre. Teste, tu prends le macabre, la patate fait un grand gang gang. Ça peut ne pas être cuit, ça ne te dérange pas. Mais fais ça pour le macabre, on voit. Tu sais que pour le macabre, tu n'as pas mis dans la bouche, non. C'est la prochaine que tu fais comme ça, que c'est encore Dieu. Et tu te testes là, tu le laisses là-bas. C'est tout ce que tu peux faire. Si tu veux faire un grand gang, tu vas confirmer que le macabre ne te l'aurait pas qu'on manque, manger cru. Alors, c'est vrai, on dit quoi? Quand tu es en train d'avancer avec le Seigneur, on ne peut pas faire le mélange entre ce que Dieu ne veut pas et ce que Dieu veut. Il ne veut pas. Il dit soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. C'est pour cela que tu vas voir que Jésus va passer le temps à mettre. Hier, nous avons lu Matthieu 23, là, comme ça, fustiger les pharisiens. Les gens qui portent des strouches, des franges, qui se fait appeler Père, mon Père. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Qui avait les premières places dans les synagogues. Et aujourd'hui, on voit la même chose. Aujourd'hui, le plus curieux, c'est qu'on a dit dans ce Matthieu 23, qu'on a lu hier. Il a dit que vous, malheur à vous pharisiens, hypocrites, parce que vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez les gens d'y entrer sur vous, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui sont sur la terre, portant des robes de pasteurs, ils sont là, le but c'est d'empêcher que les gens entrent dans le royaume de Dieu. C'est terrible, pas vrai? Ça veut dire que tu parles de quelqu'un cherchant Dieu, mais il est là pour te bloquer. Vous devez vous réveiller pour se prendre la Bible et vérifier si ce qu'on vous dit est de la Bible. Jésus a bien dit là-bas, heureux ceux qui écoutent ma parole, la parole de mon Père, qui l'a garde. Voilà, c'est ceux-là qui sont heureux. Donc, ça veut dire que tu parles de ta rester Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu crois qu'il y aura la corruption aussi, puis il va, parce que tu as prié, ça, il va aller dire à son fils Jésus que celle-ci a quand même trop prié, m'a prié sur la terre, fais-le entrer. Ça ne se négocie pas en haut là-bas comme ça. Mais tu peux dire aussi, pas comme ça. Tu peux lire. C'est pour cela que les pasteurs. C'est pour ça que les pasteurs sont là. Tu voulais faire comment? Et bon, maintenant, quand tu pars chez. Tu dois maintenant chez ces pasteurs. Ou bien, regarde, des bras, refais ta chaise comme ça, au mieux. Tu prends ce qui est sur le téléphone. Là. Voilà. Des bras, le téléphone jaune noir, là, tu prends des bras dessus. Tu vas chez ce pasteur-là, il ne t'explique pas comme ça. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui dit ici que c'est pas ce qu'on a lu là? Si. Mais quand tu la place de Marie, c'est quand tu expliques maintenant que je comprends, mais quand je lisais la parole. Les gens ne comprennent pas la gravité. Les gens ne comprennent pas la gravité. Tous les aspects de l'Église catholique, c'est la sorcellerie. Tous les aspects de l'Église catholique, c'est la sorcellerie. Tous ces aspects. Tu as des stylos. Tu l'as roulé aussi. Essayez de prendre ce que c'est toi qui as pris. Mais je n'ai pas des stylos. Tu vas en avoir, madame. Un point. Que ton cœur ne se trouble pas. Ouais, ouais. Affirmatif. Attends, je prends les deux blanches, je crois. L'idée de l'église, c'est que tu aies ton cahier. Quand tu dis que tu viens ici, tu prends ta Bible, tes verres, ton cahier, ton petit sac avec les habits de l'échange. C'est pas ça, hein? C'est ça, mais pas génial. Je reconnais que il y a des modèles qu'on a trouvé qu'on pense que c'est vrai. On ne sait pas que c'est faux. C'est pour cela que vous voyez quand vous venez ici, je vous donne la Bible, que vous lisez ce qui est écrit à l'intérieur. Si vous voulez la version catholique, tombe. Voilà la Bible tombe là-bas, voilà la Jérusalem là-bas. Dès que vous avez fini d'écrire ce que vous écrivez, c'est pas ce que vous écrivez. On y va. Vous allez entendre des choses, maintenant votre tête risque de tourner, mais c'est la vérité. Il peut avancer, n'est-ce pas? Alors, nous touchons là l'un des volets, là, le socle qui sous-tend l'Église catholique. Il s'agit de la doctrine, la prière à l'être qu'on appelle Marie. Je suis en train de toucher ici parce que vous voulez la prière. Je ne voudrais pas que vous mélangez quand il parlait de patates tout à l'heure avec le macabo. Je ne voudrais pas qu'on prie la prière de la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous rentrez dans vos dévotions personnelles, vous priez Marie. Ce n'est pas compatible. D'accord? Notre 1 Timothée. Et ouvrez cela. Timothée, c'est lui, maintenant on va dormir ici là parce que l'enfant rentre de l'école. En Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, tu y es. Tu as vu le chapitre 2. Tu as ouvert exactement le chapitre 2. C'est au chapitre 2 là. Regarde le verset 4 et 5. Allons-y. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, oui, et parviennent à la connaissance de la vérité? Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a quoi? Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Combien de médiateurs il y a entre Dieu et les hommes? Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Chapitre 2. Entre Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu as vu Marie la détresse? Non. Et qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Oui. Qui plaide pour. Oui. Maintenant, on a dit combien de personnes plaident pour nous devant Dieu? Une seule personne, un seul médiateur, mm-hmm, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ok. Mais dans ce cas, où est Marie donc? Dans ce cas, on vous manque, on ne vous manque pas. On ne peut pas dire on ne manque pas, on ne manque pas. Non, vous devez dire quelque chose. La Bible dit là qu'il y a combien de médiateurs? Les Jésus parlent de Marie, les Jésus parlent de Marie, par contre, les. Bon, la question que je pose c'est, la Bible dit quoi? Qu'on doit prier Marie ou on ne doit pas prier? Ici la Bible nous dit qu'il y a une seule personne qui doit intercéder, Jésus. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut s'adresser à Dieu? C'est pas qui? On passe par Jésus. Dans ce cas, est-ce qu'on le dit? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça qu'on dit que tout ce que vous allez demander à mon Père passant par moi, vous l'obtenez. Oui, bon maintenant, reste-moi du salut Marie, vous allons-y. Oh, salut Marie, pleine de grâce. Oui. Le Seigneur est avec vous. Oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Stop. Pauvres pécheurs. Quand tu dis à Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, tu en as lui demandé de faire quoi? La Bible a dit que combien d'intercesseurs il y a? Un seul Jésus-Christ. Alors tu en es d'obéir. Souvenons-nous de ce qu'on a commencé dans le livre de Luc. Il a dit que soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Mais quelle est votre difficulté? C'est la Bible qui dit. C'est pas moi. C'est pas moi. On a des lits là ensemble. Quand tu connais les qualités du groupe de prière, chacun te donne son opinion, tu comprends que tous sont. C'est pour cela. Ok, dis-moi, donne-moi l'opinion qu'on a donnée sur Marie, pour qu'on puisse voir. On a pris quel verset pour dire qu'on doit prier Marie? Quel? Non, ils ne m'ont pas montré des versets, mais... C'est ça le problème aussi. Je dis ce qu'ils apprennent à l'école. Non, non, non, non, non, on va laisser l'école. Dieu n'a pas donné une école sur la terre. Il a laissé les saintes écritures. Saintes écritures. Je ne vois qu'on ne m'aime pas juger parce que chacun te convainc, tu comprends que chacun a rien. Non, il faut une base. Quelqu'un peut te dire que je peux rouler en route en roulant à gauche. On n'est pas en Angleterre ici. Il y a un code de la route qui dit qu'on doit rouler à droite au Cameroun. On dit que le feu, quand c'est rouge, la convention veut que si c'est rouge, ça suppose que tu dois t'arrêter. Tu n'as pas dit que chacun a son je opinion. Je viole le feu et j'arrive comme j'arrive il veut. Donc, j'ai le livre devant moi, il tient une nouvelle structure et manière de prier le rosaire et le chapelet proposé par Jean-Paul II. Introduction de Christian Toumi. Archevêque des doigts là. Là, ici, on explique. C'est quand même terrible ça. Tous ces gens-là, je les connais. C'est Dieu que j'ai. Non, non, il sait. C'est pour ça que j'ai abordé ce thème-ci. D'accord. Il sait. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de parler. C'est le jésuite. C'est quoi un jésuite? Je ne connais pas les significations des définitions, mais. Si c'est seulement. Je connais que c'est le jésuite. Que Dieu vraiment vous aide, n'est-ce pas? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Le Seigneur, je ne vais qu'encore réitérer ce que nous avons lu, ce que Jésus a dit. Soit vous croyez en Jésus, ou bien vous croyez au Jésuite. Non. Vous croyez en qui? En Jésus. À Jésus. Mmh. Alors Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent et gardent ma parole. Il n'a pas dit, écoute, garde les opinions. Il a dit, écoute et garde quoi? Ma parole. Sa parole, donc, est où? Il y a un seul Dieu. Oui. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc ça veut dire que pour aller, enfin il a dit encore que nous ne les voyons pas que par moi. On passe par Jésus, voilà. Alors ouvrons Jean chapitre 14. C'est vrai, par contre le collègue du curé qui l'a dit qu'il ne connaît pas l'humain, il n'est pas l'une veine. Et il nous dit carrément ça. Donc c'est un rebelle qui se trouve chez les catholiques, il va savoir que sorti. Parce que l'église catholique a pour base cela. Non, il n'est pas rebelle. Il s'en fout des écoles qu'il a fait. Quelle est l'école qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses. Il est soumis. Il est rebelle. Parce que Dieu a laissé une université dans le monde. Les dogmes de la papauté ne se discutent pas pour ceux qui sont dedans. Jean chapitre 14. Ma soeur. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Lisons, on va lire du verset 1 au verset. Non, finis de lire et puis tu vas noter. Jean chapitre 14, verset 1. Verset 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Qui prépare la place? Jésus. Qui part? Jésus. Qui a de les parler? Jésus. Continuons. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui va venir prendre? C'est Jésus. Qui a de les parler encore? Jésus. Avançons. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pardon? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on va au Père par autre personne que Jésus? Non. Donc, si on nous place, on place Jésus, on place Dieu. Est-ce qu'on peut, le peuple peut quitter, passer par autre chemin pour atteindre Dieu sans passer par lui? C'est elle est seule. Ah, comment vous bougez seulement la tête? Vous ne voulez plus parler? Non, parce que la vérité, non. Il y a un verset qui dit tout ce que vous demandez à mon Père passant par moi, vous l'obtenez. C'est le verset 13. Lis le verset 13, comme il a dit. Le verset 13 va directement en bas au verset 13. Lis. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, passant par mon Père. Attends, je pose la question. Afin que le pourquoi dans ce cas, tu pries Marie? Moi, vous comprenez. J'ai deux prêtres que je fais. Non, non, laissons les prêtres. Laissons les prêtres. Depuis, est-ce que tu en as parlé de mon opinion? Non. Je vais seulement confronter la façon dont tu approches Dieu vis-à-vis de la Bible pour voir si c'est correct. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous emmener sur les rails. D'accord? Jésus dit qu'on doit prier au nom de qui? Jésus, Kassam. Non, Dans ce cas, je te pose la question toi directement. Pourquoi tu pries autrement, comme il a dit? Tu fais les deux. Donc tu fais quoi et quoi? Je prie à Marie et je prie à Jésus. Voilà, là tu demandes quelque chose à Dieu. Voilà, donc on avait dit qu'il y avait un seul médiateur. Toi, tu en as mis combien là? Deux. Est-ce que c'est normal alors? Oui. D'après ce qu'on a lu dans Luc chapitre 11 aujourd'hui, il a dit soit tu es avec lui, soit tu n'es contre lui, non? Mon frère, pour enchérir un peu à ce que dit la sœur. Oui. Dans l'église catholique, c'est pas deux médiateurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce que quand on finit de dire, voilà, on finit de dire que Sainte Marie priait pour nous. On dit à Jésus que priez pour nous. Après, on commence à dire que Saint Jean, priez pour nous. Saint Marcelin, priez pour nous. Saint Machin, priez pour nous. Donc, c'est une multitude d'intercédeurs, de médiateurs que nous avons dans les intercédeurs. Et le comble, c'est que tous ces saints-là, tous ceux dont ils appellent saints-là, c'est des gens qui sont morts et qui sont en train de pourrir. Qui sont là pour qui on a pourri depuis. Permettez-moi de lire dans la litanie. Vous, les catholiques, là, vous allez voir la gravité de ce que je vais lire ici. Tu lis, papa, moi, je n'ai jamais lu ça. Je commence encore. C'est écrit par André Fismbem avec le titre d'Abila. Suivez-toi attentivement. Litanie de la Sainte Vierge Marie. On dit, ils disent là, on peut terminer à la page 31, on peut terminer par la litanie de la Sainte Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu connais ça, hein? Seigneur, allons-y. Pitié. Vas-y. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Pauvre pécheur. Mais c'est quand même curieux d'abord. La Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint. Il n'y a pas de problème. Attends, mais le problème, c'est que pourquoi on dit Sainte Marie, une seule personne, puis on dit priez pour nous. Pourquoi on utilise ça au pluriel? Vous voyez Marie, vous ne voyez pas Dieu. Donc Marie a plus de respect que Dieu. Non, mais c'est quand même terrible. Continuons ici. Parce que Marie n'a dit rien à la réplique. Dieu n'a jamais rien refusé à Marie. Vraiment, hein? Qu'on n'a jamais. Non, j'ai vu ça ici dans votre compétition. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord, j'arrive. J'arrive. Bonjour, Sœur Christelle. On avance là. Sainte Mère des Dieux, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, Mère de l'Église. Je vais vous noter. On dit qu'elle est Mère de l'Église. Tu as la litanie là. Comment est-ce que Marie est Mère de l'Église? Tu ne sais pas, c'est pas toi qui as dit. Mère de la Divine Grâce. Oh, ce sont les blasphèmes, les titres de blasphème dont Apocalypse 17 parle ici. Plein de noms de blasphèmes. Mère très pure. Mère très chaste. Mère sans tâche. Donc tu connais ça. Mère toujours vierge. Mère digne d'amour. Mère toujours vierge. Oui. Mère admirable. Par contre, dans le livre, dans la Bible, il y a un endroit où on montre que Marie a eu d'autres enfants. Donc, c'est ça, c'est pour ça que moi-même je m'arrête là. Que c'est donc, même toi, tu sais que. Donc, toi, tu sais que c'est faux. Tu le sais quand même. C'est quand on débat comme ça qu'on comprend. Que tu comprends. Ok, donc continue à déballer. Comme débat, mais digne d'amour. Mais admirable. Mais du bon conseil. Suis encore notre blasphème. Mais du Créateur. Mère du Sauveur, Créateur, elle est mère. Donc, entre Marie et Dieu, qui est venu avant? Marie. Non, mais c'est Marie, avoir la femme. Donc en réalité, dans la doctrine catholique, Marie dépasse Dieu. N'est-ce pas? Continuons ici. Vierge très prudente. Vierge digne de vénération. Vierge digne de louange. Vierge très puissante. Vierge quoi? Vierge très puissante. Vierge pleine de bonté. Vierge très fidèle. Miroir de la sainteté divine. Mais c'est quand même terrible. Vous entendez ce que les abominations vous disent? Donc vous dites, vous récitez. Alors là, vous allez finir faire comme ça. Vous dites, applaudissez que non, je suis chrétien. Vous n'en êtes pas. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas faire ce que Jésus n'a pas dit. On ne peut pas faire ça et puis vous dites que vous êtes des croyants. Non, ça ne peut pas se passer. Non, c'est pas que suivre Dieu est difficile. C'est parce que vous prenez la tradition des hommes, vous mélangez les choses de Dieu. C'est pour ça que ça fait que ça soit lourd. Voilà ce qu'il a dit dans la Bible. Quand il a dit dans la Bible, laissez ceci de côté. Prenez la Bible. Je continue, c'est pas fini. Siège de la sagesse. Tu as entendu aussi ça? Voilà, ça devant nous. Cause de notre joie. Demeure du Saint-Esprit. Donc Marie, elle a demeure du Saint-Esprit. Demeure comblée de gloire. Tout ce que j'en ai entendu, tu as vu rester ça, n'est-ce pas? Demeure toute consacrée à Dieu. Rose mystique. La rose mystique, c'est Marie. Donc ce que les francs, les résolutions utilisent là, c'est cela. Tout de David. Tout d'ivoire. Maison d'or. Arche de la nouvelle alliance. Porte du ciel. Étoile du matin. Refuge des pécheurs. Santé des malades. Consolatrice des malheureux. Secours des chrétiens. Reine des anges. Marie est la reine des anges. C'est ce qu'ils ont écrit. Et tu récites ça. Je veux seulement que vous tous qui m'écoutez. Vous tous qui nous écoutez maintenant. Vous tous qui nous écoutez maintenant dans le monde entier. Je tiens entre mes mains là. La nouvelle structure et la manière de prier dont tous les catholiques ont dans le monde entier. C'est une abomination. Et nous sommes en train de découvrir ici comment Marie appelait la tour de David, la rose mystique, la demeure consacrée, toute consacrée de Dieu, la porte du ciel, l'arche de la nouvelle alliance, la porte du ciel, l'étoile du matin. C'est quand même terrible. Refuge des pécheurs. Donc quand tu pêches, au lieu d'aller vers tu pars avec qui? Marie. C'est pas étonnant que les catholiques ne sont pas des chrétiens. C'est terrible. Consolatrice des malheureux. Donc, c'est, en fait, ceci au pluriel, au féminin montre clairement que la personne dont je parlais, il s'agit de Marie depuis. Reine des anges. Non, c'est quand même terrible, pas vrai? Reine des anges, reine des patriarches. Donc, même Marie qui est venue après Abraham, longtemps, est reine d'Abraham, parce que c'est Abraham, Isaac, Jacob qui sont des patriarches. Tout à l'heure, on va aller dans la Bible, on va voir de qui on en a parlé en réalité, d'accord? On va repérer cette personne ici dans la Bible. Reine des prophètes. Donc, quand tu s'en dis, tu veux prier pour nous. Courage. Reine des apôtres. Reine des martyrs. Reine des confesseurs. Reine des vierges. Reine de tous les saints, finalement. Priez pour nous. Tout ce qu'on vit était prévu depuis longtemps. C'est pour ça que Dieu dit que mon peuple ne paye pas l'ignorance. Parce que voilà l'ignorance. On continue à vivre ça aujourd'hui. Mais est-ce que ça va empêcher que tu ne fasses plus avec ça? J'ai vécu ça longtemps aussi. Bon, continue. Laisse-moi finir d'abord ici. Reine conçu dans le quoi que c'est quoi sans le péché originel qui vous écrit. Donc elle est conçue sans le péché originel. On appelle ça l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Reine élevée dans les cieux. C'est, voilà, ça, c'est ne regarde pas comme ça. Comment vous me regardez comme si c'est moi qui ai voilà, ça devant vous? Non. Comment vous voulez plus qu'ils lisent? C'est toi qui avais ça ici. Non, c'est chez moi. Quand les catholiques viennent, ils se confessent. Quand ça ne va pas, ils abandonnent cela. Voilà, c'est classé. Ça va partout là-bas. Il y a pour les rosicruciens. Il y a pour les. Vous appelez les témoins de Jéhovah. Quand ils viennent, ils brûlent le reste là-bas. Le reste, ils mettent là-bas. C'était pour que. Si on brûlait ceci, tout par terre, c'est qu'on devait parler de là. C'est que vous avez discuté. C'est comme si ce n'était pas vrai. C'est que vous allez me dire que je suis en train de juger. Je veux que vous, il veut prendre ça pour vous montrer que ceci n'est pas normal. D'accord? D'abord, la première chose que nous avons lu dans la première partie, c'est que Jésus, quand il a fini de parler, quelqu'un a voulu élever sa mère. Mm-hmm. A voulu seulement élever sa mère. Heureuse, le sein qui t'a allaité, la maman qui t'a porté, il a dit heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole et la garde. La phrase là, devait faire tweeter toutes les catholiques et les Marie. Mais c'est lui qui disait ça, il disait ça pas. C'est l'esprit-ci. Non, c'est l'esprit-ci. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui le fait. L'esprit a dit ça à cause de l'intelligence de Jésus. Ce n'est pas ça. L'esprit l'avait dévoilé et dérouté la gloire qui est digne à Jésus pour amener vers la femme. Mais quand on l'élève, il a toujours caché. Le verset qu'on a lu dans Luc chapitre 11 là, dit clairement que Jésus est en train de vouloir fustiger les gens qui veulent élever sa main. Il a dit qu'en fait, ceux qui sont heureux sur la terre, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Point final. Il a juré que sa famille, c'est pas sa mère, ses frères, c'est ceux qui croient. Tu savais ça depuis pourquoi tu disais non sa mère? Il a toujours dit que sa famille, c'est ceux qui croient. Toi-même, hein? Toi-même. Pas dans la parole comme tu en as fait. Voilà. Toi-même donc, pourquoi? On va lire ça dans le livre des Marc. Pourquoi dans sa chance là? Pourquoi dans sa chance là? Parce qu'on est venu le voir, il était reproché que ta mère et tes frères te cherchent des erreurs. Qui sont mes mères? Qui sont mes frères? On est dans la main. Tu les vois, c'est tout. Même temps, tu savais ça. Mais dans ce cas, pourquoi vous lisez comme ça? Vous faites autre chose. Déjà, vous m'expliquez qu'est-ce que vous prenez au juste. Je veux que vous m'expliquiez franchement qu'est-ce qui vous prend. C'est la religion, frère. La religion. Les cadenas, tout le monde, qu'elle a, ils ont des armes. Laisse-le tranquille. Nous qui voulons venir changer quoi? Non. On n'a pas demandé qu'on puisse changer quelque chose là-bas. C'est une question de relation personnelle devant le Seigneur. Voilà, tu ne dois pas aller, Dieu ne doit pas aller changer l'Église catholique parce qu'elles ne changeront jamais. Oui. Le problème, c'est que l'Église catholique est constituée d'êtres humains individuellement. Chaque individu donc doit confronter la vérité pour prendre une position. Donc le prêtre, un prêtre a dit quoi? Pourquoi il ne prie pas? Il m'a pas dit, parce qu'il ne veut pas me dérouter, parce qu'il ne veut pas qu'on dise de même que c'est lui qui t'a dit. Donc qu'est-ce que tu, avec ce que ton prêtre a dit, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Il a raison, et mon curieux aussi a raison, tous les deux ont raison. Attends, qui a raison? Qui a raison et qui a raison? Celui qui ne prie pas Marie a raison. Et celui qui ne prie pas. Celui qui prie Marie a raison parce qu'il continue à suivre. Il n'a pas dit comme vous dites. Non, attends, non, je vais poser une question. Celui qui ne prie pas Marie a raison devant qui? Devant Dieu. Celui qui prie Marie a raison devant qui? Devant ses subordonnés. Voilà, je pose la question. Toi maintenant, au milieu de cela, oui. Tu veux prendre quelle position? Moi, je prends la position de Dieu. Donc, désormais, tu ne prieras plus Marie. Je sais, je pas vous reposer ça. Non, tu dois répondre là maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Ton âme en dépend. Parce que tu as lu là, et c'est toi-même qui ne fait que me répéter que le peuple périt faute de connaissance. Donc tu veux dire que je connais maintenant, tu péris. Ta part sera grave. Non, ça c'est autre chose. Quand tu connais déjà, je te péris très mal. Quand voilà. Tu péris par ignorance, je te pardonne vraiment. Donc maintenant, c'est grave. C'est pour ça que tu connais. Quand tu connais, je ne blague pas. Il faut fort. Il ne blague pas. Mais c'est justement dans cette position que tu es. Donc maintenant tu connais la vérité. Vous connaissez la vérité. Quand tu es entré ici, tu ne connaissais pas la vérité. Très fort. Quand je connais, il faut pas que je ne pas. Alors je repose la question que j'ai posée. Quelle position prends-tu? La position de Jésus. La position de Jésus. Donc tu ne dois plus prier Marie. Il n'y a pas d'effort, on ne fait pas d'effort parce que Jésus a dit dès le départ dans ce Luc 11, verset 25 là, que soit tu assembles avec lui, soit tu disperses. On peut laisser Marie, c'est Dieu, on peut laisser Marie, on peut laisser Jésus, on intercède avec Jésus. Ça dépend de toi. Tu as tes parents chez toi, n'est-ce pas? Tu sais que ce sont tes parents qui t'ont mis au monde, n'est-ce pas? Ton père et ta mère. Hein? Tu es sorti du sein de ta mère. Ta mère est pauvre. Vous êtes très pauvre chez vous. Ça, c'est un exemple que je prends. Hein? Je ne connais pas votre vie. Et à côté de vous, il y a un richissime voisin. Si son épouse vient se placer devant toi, elle te dit que je suis ta mère. Tu m'acceptes ou non? Tu vas lui dire quoi? Que je ne peux pas te répondre maintenant. Tu vas lui dire quoi? Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Tu as ta mère qui est extrêmement pauvre en face de la femme riche. Qui vient te dire que moi je suis ta mère. Accepte-moi comme mère et je te donnerai tout ce que tu veux. À côté de ta mère. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dois répondre tout de suite. Tu fais comment? N'est-ce pas? Tu lui diras que voici ma mère. Pourquoi aujourd'hui tu es devant Marie et tu es devant Jésus? On te demande de demander à quelqu'un d'intercéder pour toi. tu réfléchis par rapport à quoi? Entre Marie et Jésus, qui doit intercéder pour toi? Tu dois prier qui? Seigneur. Tu dois implorer la grâce de qui? Alors, c'est ça que chaque être humain, comme je te dis hier, doit être confronté. Tu dois faire un choix de suivre de façon radicale Jésus ou bien de suivre notre vision. Il y en a plein de choses. Comme hier, tu m'as demandé que explique-moi, il dit qu'on doit t'expliquer parce qu'il faut qu'on en aille en profondeur. Voici l'un des aspects. Tu as au fur et à mesure, tu as envie de voir, non? C'est pour ça que je te dis, les enseignements que tu as reçus, il y a des chocs là-dedans. Parce que si tu avais écouté dans les enseignements, il y avait dit et classé et passé rapidement, tout ce qu'on a développé là maintenant, tu n'aurais pas suivi l'explication. D'accord? On va aller au-delà, on va regarder dans le compédium, on va regarder ici dans le livre d'histoire. Mais permettez-moi de continuer ici. On dit reine élevée dans les cieux. Oui, d'abord, tout ce qu'on a dit là depuis, c'est faux d'abord, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers? C'est faux. Reine du très saint rosaire. Puis on appelle encore enfin la reine de la paix. Vous voyez cela? Maintenant, puis on continue. Maintenant, vous voyez que pour Marie, c'est au moins 5 ans. Maintenant, pour Jésus, on dit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Épargne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Vous voyez que pour l'agneau de Dieu, on ne dit pas exaucez-nous. Mm-hmm. Je veux que vous remarquiez ceci. Quand on dit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, épargne-nous, Seigneur. Quand on parle de Marie, on dit que priez pour nous. Donc Marie est plus importante en supériorité de l'honneur que Jésus, dans ce langage. Puis on dit, agneau de Dieu, c'est ça que vous allez voir, qu'on va lire ici, l'église catholique est un mélange de paganisme et de la religion, des aspects chrétiens, mais plus plongé dans le paganisme et la sorcellerie. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Écoutez très attentivement. Puis on dit maintenant, prions. Tu connais prions, ce qu'on dit là? Prions. Seigneur Jésus, écoutez bien, nous venons de contempler les merveilles dont tu as enrichi Marie. Donc il vient de dire que tout ce qu'on a resté ici, c'est Jésus, le Dieu de vérité, qui a enrichi sa Marie. Vous voyez le mensonge là que vous faites dans la prière? Donc l'Église catholique, c'est un tissu de mensonges fondé depuis le mensonge. La fondation, c'est-à-dire que là où l'Église catholique a mis ses pieds d'abord, premièrement, pour commencer n'importe quoi, c'est d'abord le mensonge. Donc, quand mon mère, c'est le coup, moi, une, deux, nous disais que moi, mes enfants, vous allez grandir, ils ne comprennent pas. Donc, ma tête de lui. Allez, où commentez deux? Oui. Ton maître avait dit que tu allais grandir et comprendre. Oui. Oui. Donc, c'est dans le catholicisme depuis. Oui. Il a même été catholique parce qu'il a compris avant. Il est sorti. Que, oui. Maintenant, tu as dû le comprendre, n'est-ce pas? Quand vous allez comprendre. Nous avons, vous allez grandir avant de comprendre. Donc, maintenant, tu as dû le comprendre. Mm-hmm. Puis, d'ici, accorde-nous maintenant par son intercession. C'est loin dans votre cahier. Regardez. Accorde. On s'adresse à Jésus. On dit, Jésus, accorde-nous maintenant, par son intercession, de vivre dans une grande fidélité à l'Esprit Saint et d'avoir pas un jour avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et siècles. Écoutez très attentivement. Dormez avec ça jour après jour. Vous faites comme ça, vous mourrez, c'est en enfer. Ça ne changera jamais votre condition. Quoi? Il y restait tout son hérédité là. Malgré ce qu'on a dit ici là, vous irez en enfer avec cela. Ça ne passera jamais devant Dieu. Comment savoir que ça ne marchait pas? Pendant que tu pries là, tu as l'impression que tu reçois des grâces tranquillement. Oui, voilà. Maintenant, si on regarde. C'est à moi que tu vas savoir que tu n'étais pas sur la route. Maintenant, on finit ici. On a dit, Seigneur Jésus, nous venons de contempler les merveilles dont tu as. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Tu as. Puis on revient maintenant du côté de Marie, à droite là-bas. Souvenez-vous, ô Marie, miséricordieuse Vierge Marie. Je vais encore lire là. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie. Vierge avec grand V, Marie avec grand M. Souvenez-vous très en grand trait, bien continu. Écoutez bien, il faut que vous suivez les abominations que vous entendez chaque jour que vous récitez. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer vos suffrages, a été abandonné. Voilà. Tu as vu? Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous. Et puis, ô mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez-les exaucer. Donc Marie exauce les prières. Ah oui. Voyez-vous, pour une question. Mais pourquoi pendant qu'on prie Marie, si on obtient souvent, on obtient souvent des mains? Lève-toi, viens. Repose encore la question. Pourquoi pendant que tu pries, tu as l'exaucement, ce que tu veux faire. C'est là maintenant tu nous envoies dans la Bible. On va voir donc qui est cette Marie là. Et on va voir effectivement qu'elle a toujours. Vous avez Marie qui dit nous le mieux, non? C'était Marie, oui. Et à la fin de ta neuvaine, tu vois ce que tu demandes. Vous avez posé les questions. Dieu te répond en fait. Vous avez. Qui répond? Je sais pas, je vois qu'à la fin, tu as ce que tu voulais. Tu as ce que tu réponds. Voilà, tu as causé. Il ne faut pas dire que Dieu. Je sais pas d'où ça sort. Avec tout ce qu'on voit dans la Bible, la Marie ne doit pas être. Vraiment, Dieu ne l'a jamais dit. Voilà, donc on va voir. Jamais dit non à sa mère. Jamais, oui. Même à moi, elle n'a jamais dit non. Même à moi, elle ne m'a jamais dit non. Il suffit que tu sois pu, non? Oui. La Bible déclare que tout ce qui lui est agréable, il est en faveur. Tout ce qui soit en faveur. Il n'a jamais, c'est pas seulement Marie. C'est pas seulement Marie. D'accord. Voilà. Il nous a prouvé non, que sa famille, c'est pas. Voilà. Et comment tu nous dis comme ça, tu me poses encore la question. C'est fait sa mère. Alors, maintenant, la question que tu as posée, j'ai réitéré la question pour que on en a la Bible en plein. Oui, bah pourquoi, si c'est comme ça, Marie, on a souvent ce qu'on demande. On obtient toujours ce qu'on demande. Oh. Oui, donne-moi le wifi là-bas. Le wifi. Voilà, la solution sur le thé, c'est pour que nous ne perdions pas. N'est-ce pas? Laisse. Voilà, on a pu appeler. Alors, là, maintenant, on va aller dans la Bible parce que tu nous pousses d'abord à travailler, à voir. Parce que c'est un esprit qui a vécu longtemps avec Marie. C'est lui qu'on a dit d'adorer. Et on lui a donné plutôt le nom de Marie. D'accord? Je vais lire d'abord ça, dans ça. Lis le titre. À haute voix. Compendium. Abrégé pratique officielle du catéchisme de l'Église catholique. Qui a signé? C'est qui ici? Lis. Benoît 16. Donc on va lire là-dedans pour voir comment on veut que pape vous ment. Donc je vais lire ici dans le compendium. On va voir qui est cette Marie. C'est eux-mêmes qui nous dévoient qui est cette Marie. Quand on finit de voir l'identité de celle qu'ils appellent Marie, on va aller dans la Bible voir ce que la Bible parle de cette identité-là. D'accord? Je vais d'abord ouvrir le compendium, nous allons lire ensemble. Quand tu pries les catholiques, il faut pas fuir le conseil, tu vas jamais passer même devant les paroles. On y va. Allons doucement, on va lire d'abord, ne t'inquiète pas. Tu as dit que mon père fuir, c'est pas quoi là? Pas ignorant, il faut ignorant. Bon, nous sommes dans le compendium, dans ce compendium comme tu as lu là, c'est l'édition catholique du Bénin. Nous sommes à la page 186. Toi, tu connais ce qu'on appelle le Regina Caeli. Donc, en fait, ils ont tellement comme ça pour embrouiller les gens. En tout cas, voilà ça dans le livre. On a écrit ici en français, puis en latin. C'est le temps pascal qu'on récite ici. Maintenant, je vais lire. Donc, je crois que aide-nous à lire là. Tu peux lire. On peut lire, même Julie peut lire. Non, elle est à distance. Ah, c'est de cœur. Lili à haute voix. Regina Caeli. Oui. Au temps pascal, reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia. Oui. Car celui qui te fut donné de porter, alléluia. Stop. On a dit que celui qui te fut porté, on s'adresse à qui là? D'après la première phrase. À Regina Pascal. Non, à. On a dit reine du ciel. Reine du ciel. Donc la personne c'est qui? Alléluia. Reine du ciel, c'est Marie. Non, ne pose pas encore la question. Réponds d'abord ce qui est écrit là-bas. On a dit parler. On s'adresse à qui là? Le nom de la personne c'est qui? Regina Kelly. Non, Regina Kelly, c'est le titre des cantiques. On a dit quoi? Reine du ciel, réjouis-toi. Donc, ça veut dire que c'est à cette personne qu'on s'appelle. Elle s'appelle comment? La reine du ciel. La reine du ciel. Écris-moi ici d'abord, reine du ciel, dans ton cahier, d'abord, avant qu'on va avancer. Donc, tu demandes n'importe quel prêtre que la reine du ciel, c'est qui? On va te dire, c'est qui? Marie. Nous, c'est la Bible qui va nous dire maintenant qui c'est celle-là. C'est la Bible, la sainte parole du Seigneur. Oui. Reine du ciel, réjouis-toi. Oui. Alléluia. Oui. Car c'est lui qu'il te fut donné de porter. Alléluia. Oui. Car celui qui te fut donné de porter. De porter. Non, laisse d'abord Jésus. Oui. Continuons seulement la lecture. Lis la lecture tout simplement. Car celui qu'il te fut donné de porter. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Est ressuscité comme il l'avait dit. Mm-hmm. Alléluia. Oui. Prie Dieu. Donc ça sous-entend maintenant qu'on en a parlé de qui ici là maintenant? Celui qui a été porté, c'était qui? Jésus. Qui a été ressuscité, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Prie Dieu pour nous. Stop. Donc, ça veut dire qu'on a demandé à la reine du ciel de prier Dieu pour nous, n'est-ce pas? Oui. Continuons. Alléluia. Alléluia, oui. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie. Stop. Suite. On venait de nous, maintenant l'autre son nom. Ça, c'est un de nos noms. Finalement, la reine du ciel, c'est qui? Marie. Donne-moi mon compendium d'abord. Maintenant, prends. Si nous sommes dans Jérémie, chapitre combien? C'est quoi? Jérémie chapitre 44. Nous allons lire des versets 15 en descendant jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y. Chaque fois, écoute bien. Quand tu vas lire ce que tu as lu dans le compendium, si quand tu vas lire quelque chose que tu as lu dans le compendium, si tu t'arrêtes, d'accord? Allons-y, verset 15. À haute voix. Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux. Offrir quoi? De l'encens déjà? À d'autres? Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux. Oui. Toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre. Et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, oui. À Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Mm-hmm. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Oui. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Oui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Stop. Offrir l'encens à qui? À la reine du ciel. Tu as vu ce mot-là quelque part aujourd'hui? Oui, oui. C'était où? Dans le compédium. Et on a dit que cette personne s'appelait qui déjà? Marie. Marie. Maintenant, Jérémie est longtemps avant que Marie ne vienne sur la terre. Plus de 800 ans avant que Marie elle-même ne vienne sur la terre. Mais cette tête-là, on l'a déjà appelée là-bas. Et on voit ici que le peuple, il y a le prophète Jérémie qui donne la voix de Dieu. Ils disent clairement que nous ne voulons pas tomber en rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel. Mm-hmm. Mais nous voulons nous offrir... Quoi? Les l'encens à la reine du ciel. Donc Jérémie et la reine du ciel ne sont pas dans le même groupe. Nous sommes là-haut d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Jérémie, le prophète, et la reine du ciel ne sont pas dans le même groupe. Parce que ceux-ci disent que on ne veut pas t'obéir, c'est que tu dis au nom de l'Éternel. Mais nous, nous voulons offrir de l'encens à qui? À la reine du ciel. Continuons. Et lui faire des libations. Oui. Comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, oui, et alors? Nos rois et nos chefs, oui. Dans les villes de Juda, oui. Et dans les rues de Jérusalem. Oui. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Stop, tu as vu? Donc ils faisaient cela, ils avaient la réponse. Mm-hmm. Donc comme tu as dit tout à l'heure, on fait les prières à cette chose Marie-là, mm-hmm. Ce n'est pas nouveau. Nous étions heureux. Nous étions heureux. Dépose dans la Bible. Nous nous éprouvions point de mal, point de malheur. Oui. C'est quel verset? Jérémie chapitre 44. 44, verset 15. Tu as noté là, verset 15 à 19, mais Jérémie. Alors vous devez savoir que vous servez les démons, que les prêtres servent les démons, ils savent. Ce n'est pas Dieu qui l'exauce, c'est l'esprit démoniaque qui peut l'exaucer. Il est exaucé, ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu n'exauce, la Bible est claire, Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, c'est seulement au jugement dernier que chacun va savoir. Non, pas le jugement dernier, tu peux savoir maintenant. Maintenant, là où tu es là, si tu mourrais là, tu partais en enfer parce que vous servez le démon. C'est aussi simple que possible. Parce que Jésus a d'abord dit, dans Luc 11, nous avons lu aujourd'hui, il a dit clairement que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pas ça qu'on a lu aujourd'hui. Alors, si tu as allé prier le démon, ceux-ci ont clairement choisi le camp. Ils ont dit à Jérémie que nous ne voulons pas t'obéir sur quoi que ce soit. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel. Mais c'est quand même terrible. Donc on se retrouve au même moment aujourd'hui que les catholiques, tu les présentes la Bible. Ils disent que non, non, nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons seulement faire comme nous. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Tu as vu, donc ils ont d'ailleurs dit que nous, mais c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, maman. Comment l'a déclaré notre bouche? Alors, offrir de l'encens à la reine du ciel. Donc, l'encens et libation, ils faisaient des prières. Parce que ceux-ci, ils avaient des problèmes. Ils cherchaient les raccourcis. La reine du ciel répond à la prière. Puisqu'on a la prière. Oui, nous avions du pain. Du pain. Pour nous rassasier. Maintenant, continuons, continuons. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. Continuons, continuons la lecture. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel. Oui. Et de lui faire des libations. Oui. Nous avons manqué de tout. Tu as entendu ça? Donc, nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Donc ça veut dire que si tu pries, ça marche en évoquant une Marie. Ce n'est pas Dieu, le Dieu de la Bible qui répond. C'est un démon qui vous répond. C'est ce que la Bible est. C'est ce que la Bible. C'est eux-mêmes qui témoignent. Maintenant, continuons sur ce que Dieu va dire. Mais maintenant qu'ils ont arrêté de prier Marie, ils ont faim. Ils ont faim parce que Dieu veut qu'ils réforment leur voie. Dieu veut donner les choses, chaque chose en son temps. Mais quand vous voulez faire les chimères, tu peux vivre dans le péché. Tu vivais avec ton garçon, non, avec ton petit gars. Tu pries Marie, tu es exaucé, non? Quand tu fais comme cela, Satan te donne ça pour que tu crois que même s'il vit avec le péché, dans le péché, je suis avec Dieu. C'est la tromperie. Tu as prié Marie là. Oui. Tu pries maintenant Dieu. Oui. Tu as faim parce qu'il n'est pas temps pour Dieu de te donner. Voilà, parce que Dieu donne toujours en son heure, temps. Voilà. Son bon, meilleur moment. C'est le fait justement que l'impatience des hommes qui veulent à tout prix que ce soit exaucé. Ah, okay. Quand ça ne passe pas, même quand Marie tarde, mais on va chez le marabout. C'est pas ça. C'est entre nous, non? Continuons la lecture, continuons la lecture. C'est fort, n'est-ce pas? Oui, mais c'est bien, très bien. Allons-y. Que nous faisons des libations. Oui. Alors Dieu va maintenant donner à Jérémie l'ordre de ne pas intercéder pour eux. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tout ce qu'il avait fait, à tout ce qui lui avait fait cette réponse. Oui. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé? N'a-t-il pas eu la pensée? N'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Oui. Vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays, l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage. Vous entendez ça? Ok, maintenant, je pense à lui, je vais poser la question. Dans cette lecture, nous voyons que la proportion de ceux qui servent cet esprit-là sont plus nombreux que ceux qui servent Dieu, lui ou non. Oui. N'est-ce pas? Même maintenant. Non, non, j'arrive, je voulais prendre ça pour transporter à notre époque. On a impliqué que les rois sont derrière cet esprit, oui ou non? Les chefs des peuples sont derrière cet esprit, n'est-ce pas? Tout le peuple sont derrière cet esprit. Jérémie était seul de son côté. Vous voyez la Bible, non? Ça existe depuis. Ok, maintenant, dépose la Bible, vous posez la question. Voulez-vous ranger vers ceux qui ont fustigé Jérémie parce qu'il a dit la parole de Dieu? Ou bien maintenant, décider de servir Dieu? Vous voulez servir Dieu? Alors, si vous voulez servir Dieu, écoutez très attentivement. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui concerne les catholiques, sans exception. Il dit bien, je recommence encore ça. Vous devez vous débarrasser pour vous séparer de tout cela. Sinon, vous allez pratiquer la magie. Vous ne pouvez pas pratiquer la magie avec cette messe-là et puis vous arrivez chez Dieu. Donc, maintenant, permettez-moi de lire maintenant l'encyclopédie. Je lis l'histoire. Si vous ne voulez pas qu'il vous parle ainsi, vous me dites, je m'arrête. C'est très bien. Oh là là. Parce qu'elle a dit, mais. Mais comment encore? Et je vous parle, ça c'est l'histoire de la civilisation, ça c'est tome 12. Tome 12, l'apogée du christianisme, c'est Will Durant qui l'a écrit. Je vais lire à la page 328. D'accord? C'est un catholique ici. C'est un livre d'histoire qui rencontre l'histoire de l'église, ce qui s'est passé dans le fil du temps. C'est très merveilleux parce que c'est quelque chose de terrible. Maintenant, je vais lire à partir d'un endroit ici. Je vais lire à partir du volet de ce paragraphe. On dit, je crois que j'ai préféré me continuer là-bas. On dit ici, l'encens brûlé devant les autels rappelait les antiques holocaustes. L'aspersion d'eau bénite était une très ancienne forme d'exorcisme. Les processions et illustrations continuaient des rites immémoriaux. Continuaient, ça veut dire que ça prenait la forme ici pour continuer. Immémoriaux. Les vêtements du clergé et le titre papal de Pontifex Maximus étaient des legs de l'ancien Rome. Donc, ce que les papes ont porté maintenant, ce n'est que ce que les autres qui persécutaient l'église portaient. Je crois que la dernière fois, on a lu ça ici. L'église s'aperçut que des paysans convertis révéraient encore certaines sources, des pluies, des arbres et des pierres. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien que de briser trop brusquement avec une continuité sentimentale. En clair, on a dit ceci. Dans le christianisme catholique, on venait trouver quelqu'un, par exemple, au village qui adorait son arbre. Ils disent que non, au lieu de dire que tu dois quitter cet arbre-là, parce que cet arbre-là, ça n'honore pas Dieu. On dit que non, on met la main là-bas, le prêtre met l'eau bénie, tu sais, dit que ne sanctifie cet arbre. Cet arbre, c'est Saint-Barthélemy. Tu continues à adorer l'arbre maintenant, mais appelant Saint-Barthélemy pour ne pas trop rompre avec la continuité sentimentale. C'est pas la sorcellerie, ça. Ok, continuons aussi la lecture, ça va vous amuser. C'est ainsi qu'un dolmen à Ploirec fut consacré comme chapelle des sept saints. Donc quand tu vas dans un endroit qu'on appelle chapelle des sept saints, sache que tu en es d'adorer l'esprit qu'on appelle un dolmen. Et le culte des chênes fut stérilisé par le moyen d'images des saints chrétiens qu'on y suspendit. Des festivités païennes, chères au peuple, donc le peuple ne voulait pas s'en séparer, ou nécessaires comme memoratum cathartique des règles de la morale, réparu comme fête chrétienne. Vous attendez ça? Puis on continue. Bien sûr, pardon. On dit par exemple, vous dansez dans le village de Konga ou bien la danse traditionnelle de Bassa, où c'est la sorcellerie qui est là-bas. On vient, on dit ok. Vous dites quoi? Qui s'appelle comment? Nicolas. On dit qui? Il y a quel, on peut mettre qui est? Quel saint qui était mort? On dit Saint Jean-Paul II, la fête de Saint Jean-Paul II. Les gens continuent à fêter cette fête-là, mais cette fois-ci, on dit c'est Saint Jean-Paul II. On dit qui est Jean-Paul II? C'était un saint catholique. Mais pourtant, vous avez célébré la même fête. Je recommence encore. Des festivités païennes, chères au peuple, ou nécessaires comme moratum, moratorium cathartique des règles de la morale, réparure comme fête chrétienne, et les rites païennes de la végétation entrée transformée dans la liturgie chrétienne. Le peuple continua à allumer des feux de la Saint-Jean, et dans les pays anglo-saxons, Pâques prit le nom païen de Eros, Eostre, la vieille déesse tectonique du printemps. Donc, quand on dit que la fête des Pâques, vous ne savez pas la Pâque de la Bible, c'est autre fête, c'est une divinité qu'on s'est révélée. Le calendrier chrétien des saints remplaça les fastes romains d'anciennes divinités, chers au peuple, pur revivre sous des noms chrétiens. La Dea Victoria des Basses Alpes devint Saint Victor, Victoria, Victoire, et Castor et Pollux renaquit sous les noms de Saint Cosme et Saint Damien. Le triomphe, voici donc l'apogée. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation du culte de la déesse mère païenne en l'adoration des Marie. Alors, ce qui est écrit là-bas, c'est pas un chrétien qui a écrit, c'est un historien. Il recommence encore. Le triomphe le plus beau de cet esprit. Donc, comme ils ont commencé à faire adapter des choses, on prend des païens, mais chrétiens, on dit que c'est qu'on a observé qu'ils ont vraiment réussi, c'est ce qu'on est dans le coup du chapeau. Wow. Donc, si on a dit que le coup du chapeau, c'est le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère, de la déesse mère païenne en l'adoration de Marie. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, appliqua à Marie beaucoup des thèmes que les païens employaient pour la grande déesse. La grande déesse d'Éphèse, Diane Artemis, et le concile d'Éphèse de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Donc, quelqu'un s'est levé, il a dit que non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, on dit, fous-moi le camp. Marie est mère de Dieu, en 431. On a décidé, donc, mère de Dieu, aujourd'hui, vous en avez dit, c'est ça que vous en avez fait, vous dites, Marie est mère de Dieu. Or, c'est une sublimation, on a substitué à un démon païen, on a mis le nom de Marie. Quand tu dis, non, la déesse, mais comme tous les litanies qu'on a lu tout à l'heure, là, c'est d'elle que vous en avez appelé, qu'on appelle la reine du ciel. Suivez, je continue encore. Sans soi pour Marie, c'est mère de Dieu. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarté, de Cybèle, d'Artémis, de Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. Au 6e siècle, l'Église institua la fête de l'Assomption de la Vierge aux cieux et lui assigna la date du 15 août, date de l'ancienne fête d'Isis et d'Astarté. C'est là. Marie devint la sainte patronne de Constantinople et de la famille impériale. Son image fut portée en tête de toute grande possession et fut pendue. Elle est encore aujourd'hui. Et puis avancer. Alors, vous voyez effectivement votre origine, n'est-ce pas? Mais Marie est la mère de Jésus. Oui. Voilà. On avance ici. On avance, n'est-ce pas? Le mari de la Bible est la mère de Jésus. Le mari de l'Église catholique n'est pas la mère de Jésus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui. Parce que l'Église catholique ne serait pas la mère de Jésus. Il serait cet esprit c'est en mettant le nom de Marie. Donc, quand je parle de Marie, je parle de Marie dont Luc, non, Matthieu parle. Quand on manipule les chrétiens. Non, pas les chrétiens, mais quoi, les catholiques. Suis attentivement. Oh, je lis ici. Vous permettez de lire. On commence ici. Une nouvelle religion avait été ainsi créée. Une nouvelle religion avait été ainsi créée. Et peut-être le catholicisme ne survécut-il qu'en l'absorbant. Un évangile de Marie prit forme. Non canonique. Incroyable et d'un charme indescriptible. Le peuple enfantait des légendes. Les moines les transcrivaient. Ainsi, la légende dorée nous raconte comment une veuve donna son fils unique à l'appel de son pays. Le jeune homme fut pris par l'ennemi. La veuve pria le jour et nuit la Vierge de racheter et de lui rendre son fils. Quand plusieurs semaines se furent passées sans réponse, écoutez bien, la femme vola la statuette de l'enfant qui reposait dans les bras de la Vierge à l'église et cacha son larcin dans sa maison. Sur quoi la Vierge ouvrit la prison, délivra le jeune homme et lui recommanda, dis à ta mère, mon enfant, de me rendre mon fils maintenant que je lui ai rendu le sien. Donc c'est une maman qu'on a pris son enfant aller en captivité. Elle allait devant la statue chaque fois, prier pendant les semaines que fais-moi arriver mon enfant, elle n'a pas venir. Elle est venue dans l'église, voler l'enfant Jésus dans sa main. Elle est cachée. Là, on dit qu'elle a ouvert la prison, que pendant qu'ils sont arrivés à la maison, elle dit à ta maman de ramener. Voilà les légendes qu'on faisait, et ça appelait l'église. Continuons ici. Vers 1230, un prieur français, Gaultier de Coincy, rassembla les légendes mariennes en un formidable poème de 30 000 vers. C'est là que nous voyons la Vierge guérissant un moine malade en lui faisant téter le lait de sa douce mamelle. Un brigand qui avait soin de toujours la prier avant de s'embarquer pour ses entreprises illégales fut pris et pendu, mais fut soutenu par les mains invisibles. Jusqu'à ce que les juges s'étant rendus compte de cette protection inaccoutumée, il fut relâché. Une nonne qui avait quitté son couvent pour mener une vie déréglée y retourna des années plus tard. Brisé par le repentir, il découvrit que la Vierge, à qui elle n'avait jamais omis de faire de sa prière quotidienne, avait pendant tout ce temps rempli sa place de tourière, si bien que personne ne s'aperçut de son absence. Donc elle était là-bas dans le couvent, elle a fui pour aller forniquer dehors. Marie est venue là-bas passer le temps pour travailler pour elle. On croyait qu'elle était toujours là pour forniquer. Ce sont des légendes. Maintenant, continuons. Je vais lire ici, je vais m'arrêter. L'Église pouvait ne pas approuver toutes ces historiettes, mais elle fit de grandes fêtes des événements de la vie de Marie. L'Annonciation, la Visitation, la Purification, entre parenthèses, chandeleur, l'Assomption, et finalement, cédant aux appels des générations de laïcs et de franciscains, elle permit aux fidèles, et en 1854, leur ordonna de croire en l'Immaculée Conception, à savoir que Marie avait été conçue sans la souillure du péché originel, lequel, selon la théologie chrétienne, pèse sur tout enfant des hommes depuis Adam et Ève. La vénération de Marie transforma le catholicisme qui avait été une religion de terreur, peut-être nécessaire durant l'âge des ténèbres, en une religion d'indulgence et d'amour. Les filles, je continue ici, la moitié de la beauté du culte catholique, beaucoup de la splendeur, de l'art et du chant catholique sont le produit de cette noble foi en la douceur de la force, du dévouement, même en la beauté et la grâce physique de la femme. Les filles d'Ève sont entrées dans le temple et ont transformé l'esprit. Fin de citation. Lui diront. Vous êtes dans l'église catholique, vous irez en enfer. Automatiquement. C'est choquant, mais c'est la vérité. Donc je crois que l'heure où on dit que non, tu ne juges, je m'en fous. Vous restez dans l'église catholique. Que tu sois prêtre, cardinal, pape, vous restez là-bas, c'est en enfer. Il n'y a pas de compromis. Parce que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, a dit, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Vous devez choisir maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ne bouge pas. Mais espoir. On ignorait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Vous utilisez les crucifixes sous quelque forme que ce soit, des images de soi-disant Jésus et de Marie, des croix ou bien des bagues contenant cela, vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous meurez comme ça, vous irez en enfer parce que vous êtes idolâtres. Quel qu'en soit, vous portez pourquoi? La Bible déclare que tu ne te feras aucune image taillée. Aucune image taillée ni de représenter quelque chose. Le nom de Jésus, ça nous suffit. Mais on a dit ça, Jésus a dit que le nom est plus quelque chose. Quand tu as lu quelque part, il a dit que si vous demandez quelque chose, mon nom est plus quelque chose. Il a dit ça. Quand il a dit le nom de Jésus, ça veut dire que c'est suffisant. Non, si ce n'était pas suffisant, il aurait dit que... Plus telle chose. Tout à l'heure, là où tu as dit dans Jean 14, il a dit que je m'en vais au Père. Si cela n'était pas vrai, je vous aurais dit non. Si ce n'était pas suffisant, il nous aurait dit. Il a dit ce qui était nécessaire et suffisant. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous en faites? Il va arrêter de prier le chapelet. Et tu vas faire voir de ton chapelet. Dis-moi, tu viens avec ça, tout ça ici, d'accord? On va brûler ça. Et maintenant, les démons de Marie peuvent se lever contre vous maintenant. Ces prêtres et ces jésuites peuvent se lever contre lui maintenant. Moi, je m'en fous. J'ai déjà dit la vérité. Amen. Maintenant, si vous allez à la maison, ça vous persécute. C'est votre problème. Moi, je suis quitte devant Dieu maintenant. Donc, vous restez dans l'église catholique. Sachez chaque fois quand vous allez prendre le cap pour aller. Sachez que là où plongez vous-même pour mettre sur votre visage, c'est le pipi de Lucifer. Chaque fois que tu vas te plonger là-bas, tu te prosternes. Sache que tu ne prosternes pas devant Dieu, mais devant Lucifer. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Marie, sache que ce n'est pas de Marie de la Bible, c'est la reine du ciel. C'est un démon. Sache que toutes tes prières qui étaient exaucées par en récitant les litanies et les maris qui dénouent les nœuds, les cas difficiles, sache que ce n'est pas Jésus-Christ de la Bible qui l'a fait, mais c'est le démon. Donc, ton âme est vendue entre ses mains. Il vous faut la repentance. Ce que tu as eu en priant Marie, tu ne fais pas de ça. Tu jettes. C'est vrai que quand tu veux fouiller l'église catholique, tu m'avais dit que si tu veux conduire l'église catholique, ne fouille pas l'intérieur. Où devez fouiller? Où devez fouiller? La Bible dit que examinez tout ce qu'on vous enseigne. La Bible dit cela. D'accord. Ils ont même raison de dire ça. Alors si vous trouvez un... Maintenant je comprends pourquoi on me disait ça. Parce que les catholiques ne lisent même pas la Bible. C'est toujours les détails par les prêtres écrits. Nos supérieurs connaissent la vérité. Mais comme beaucoup sont sectaires, les sectaristes. Les évêques, les papes, c'est pas les gens comme nous. Non. Et vraiment, chez les cathos, on ne lit pas la Bible. C'est plus les brochures, là, les livres que les gens ont écrits, qu'on vend, qu'on utilise. On utilise plus les livres. Voilà, vous voyez. C'est le commerce, vraiment. On fait les trucs comme ça, juste pour nous couvrir les yeux. Les vraies choses, les anciennes choses du fond, là, on ne nous présente pas. Ils font le commerce. Ils font le commerce. Mais tu vois, chez les pentecôtistes, ils disent qu'ils vendent. C'est trop de livrets. C'est trop de livrets. Et les bijoux. Le commerce. Maintenant, si vous allez quelque part, vous marchez sur la route de Dieu, vous allez vers Dieu. Vous trouvez un prêtre catholique ici avec la soutane, avec la croix entre les mains, d'accord? Avec l'image de Marie. Vous voyez derrière lui l'église catholique. Vous voyez un grand serpent qui est sur notre route ici. Passez vers la route qui a le serpent. Fuyez l'église catholique. Le serpent, ça a parce que l'église catholique est plus dangereux que le serpent. D'accord? Le venin qu'elle pique, ce n'est maintenant pas seulement dans ta chair, c'est dans ton âme. Parce que l'église catholique vend, fait le trafic des âmes des hommes. Vous connaissez ça, voilà, le petit frère de mon mari a apporté quelque chose chez moi. Elle était là. Il a mis dans l'ordinateur la secte de l'église catholique. C'était grave. Oui. Il a mis ça, nous on a commencé à regarder encore. Il n'a rien dit, ce qu'il a dit, il n'a rien dit. Oui. Donc vous avez su... Et toi, tu as suivi ça? Elle était chez moi le jour là. Oui, attends, tu as suivi. Je ne voulais même pas suivre parce que c'était... Ça t'a jugé. Ça te faisait mal qu'on juge les gens. Ça l'inquiétait. On juge pas ça. Ça t'inquiète. Ça t'est bouleversé. Oui, ça m'a traumatisé. Et quand ça t'a traumatisé, ça t'a empêché que dimanche d'après tu parles catholique. Je n'ai pas voulu comprendre comme je vous ai écouté là. Ah, tu n'as pas voulu comprendre. Je n'ai pas voulu parce que c'était. Parce que tu savais que ça devait te briser la foi. Ça devait t'empêcher d'aller là-bas. Oui, vraiment. Oui, je n'ai même plus la peine d'écouter. Mais ça, je suis resté au point. Mais les stones qu'elle porte là, il y a des insignes. Oui, il y a des insignes. Il y a des insignes de on nous montrait bon petit bois à porter tellement. Les stones qui viennent là, tu vois, les trucs. Les symboles, quoi. Oui, je peux voir. J'ai tout ça là. Les symboles qu'on porte, tu vois, comme ça là. Il y a le truc de mal. On a dit de l'ordre de mal. C'est pas une grande secte à l'église catholique. Quoi? Non, attention, regarde bien. Suis attentivement. L'église catholique, c'est un grand immeuble. Tous les autres là sont les appartements du même immeuble. Donc le plus d'eux, c'est dans l'église catholique. Les groupes de jésuites, c'est dans l'église catholique. Les charismatiques, c'est dans l'église catholique. Mais le grand immeuble est souillé. C'est pas que l'église catholique, il y a les sectes dans l'église catholique. C'est la grande secte qui a des ramifications. Ouais, d'accord. J'ai la forme. Bon, et toute l'église catholique est mauvaise. Est mauvaise depuis le. Je recommence encore pour que ce n'a pas été clair. Quel qu'en soit le groupe qui est là, si tu es à l'église catholique, tu appartiens au diable. Quand les gens de Rotary Club viennent faire le don aux orphelins, ce qu'ils font est bien. Mais dès le départ, c'est déjà mauvais parce qu'ils sont dans la secte. Je vais parce que nous sommes au Cameroun. Quand vous allez à l'extérieur, vous comprenez la vérité. Une femme qui vient de l'extérieur. Donc les grands messieurs qui viennent faire les dons dans les orphelinats. Tout ça, la source d'abord, c'est le diable. C'est la part, on appelle ça la part pour pouvoir pécher les gens. Donc, ce que vous allez faire, c'est ceci. C'est que dès maintenant que vous avez écouté, vous avez un choix. Voulez-vous y sortir? Eh, les dames là. Oui, c'est la religion des pères. Elle même était aussi l'église catholique. Hein. Tout là comme ça. Maman t'a dit, maman était au couvent chez les. Elle t'a expliqué, non? Non, elle ne m'a pas expliqué l'autre chose. C'est le couvent qu'on a volé pour l'âme donner en mariage. Comme son grand frère était un autre. Il a volé du couvent pour aller donner un mariage chez son ami. Comme il a le couvent. Il dit, donc tu fais quoi ici? Pardon, on va là-bas mariage. Et quand c'est la connaissance qui s'est passée au couvent? Mais c'est elle qui nous a dit que Isaïe avait des signes. Quand tu veux entrer dans, comment vous appelez ça, ou la chambre du prêtre, machin, tu trouves deux babouches oui. posées ou bien de quelle façon. Ça veut dire qu'il n'est pas seul, il est là avec une soeur. Mais elle arrive, il faut lui. Mais. Oh, vraiment. Les portes de chez eux n'entrent pas comme ça. Donc, si la maison est fermée, pour ouvrir, tu n'entres pas. Quelque chose que vous allez expliquer, n'est-ce pas? Que les prêtres couchent avec les femmes, qui violent les enfants, ce n'est pas ça qui fait qu'ils soient démoniaques. D'accord? Ce n'est que les dérives. Mais c'est que la, le simple. C'est que la base d'abord. Voilà, la base, le point, c'est la base. Donc, c'est pas comme bien. La base. La base est la fausse. Voilà. Et donc, maintenant, je pose la question. Tu vas donc accepter de rester encore avec au milieu des gens qui vont te conduire chez Satan? La question est difficile ou bien aide-moi à poser la question. Bon, ils sont venus souvent aller à l'église ou bien on arrête d'aller à l'église. Non, ne me posez pas la question. Moi, je pose la question. Oui, on veut arrêter d'aller à l'église. C'est Satan qu'on sait là-bas. Voudrez-vous y aller? Non. Est-ce que quelqu'un connaît qui a vu Satan? Comment? Est-ce que quelqu'un connaît? Non, tu ne réponds pas à la question. Tu as même posé, c'est pas la question. J'ai posé, c'est Satan comment? Tu veux y aller alors? Non, je ne suis pas content de servir Satan. Je ne veux pas servir Satan. Et comment tu vas l'en faire donc pour sortir ici? Ça c'est. Pour ceux qui t'écoutent là en direct dans le monde entier, qu'est-ce que tu peux leur dire avec la vérité que tu viens d'écouter là maintenant? Non, vraiment, je pensais qu'à l'église catholique, beaucoup vivent dans l'ignorance. Hein. Des vérités qui sont cachées dans la Bible. C'est pour ça que Dieu nous aime. Dieu nous pardonne parce que ceux qui sont peuple ne souffrent pas d'ignorance. Dieu sait que nous vivons dans les ténèbres depuis longtemps. Mais en sortant de ici, est-ce qu'on peut dire que vous êtes ignorant? Maintenant, on connaît la vérité. Qu'allons-nous faire donc de cette vérité? Si ta maman te dit que tu es né dans l'église catholique, tu es grand dans l'église catholique, donc ne me raconte pas des bobards comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire donc? Je vais la ramener dans la Bible. Elle dit qu'elle ne veut pas entendre, que le pape, c'est que le pape dit lui suffit. Non, on l'a fait asseoir, on lui explique comment. Vous êtes prêt donc à subir toutes les foudres en famille par rapport à cela? C'est-à-dire que si les persécutions, si on vous donne que si soit tu sors de la maison ou bien tu es à l'église catholique, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, tu sors de la maison. Oui. Comment on peut nous donner une condition comme ça? Mais comment si jamais ça arrive? Comment est-ce que nous sommes arrivés à comprendre ce que vous nous avez expliqué? Ça veut dire que maman peut aussi comprendre. Là, elle a dit tout à l'heure qu'on a mis cette même chose par rapport à l'écriture. Elle a refusé de suivre. Mais Dieu l'a amené, elle a été posée à me suivre. Alors, je pose la question. Je n'ai pas les conditions. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes prêts donc à ne plus suivre, servir Lucifer. Oui, nous sommes prêts à suivre Dieu là. Amen. Intermédiaire Jésus. Première chose, dimanche prochain, quand vous venez ici, vous vous amenez tout ce qui concerne l'église catholique, d'accord? On va brûler ça ensemble là-bas devant, comme le témoin de Jéhovah avait brûlé ça pour lui là devant la porte. C'est là-bas qu'on va brûler, d'accord? Vous en séparez, que ce soit bague, chaîne, qui contient les effigies de l'église catholique, de Marie, n'importe quelle façon. Même à la maison, les quel qu'en soit le posté, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de posté de Jésus. Donc ça doit être libre comme ça. Mais toi, tu vois quoi ici? Bon, rien que des messages de Dieu qu'il faut. Deutéronome chapitre 4, je vais lire le chapitre 4, Deutéronome. Deutéronome, je trouve cela. Que Dieu notre Père te bénisse, d'accord? Si les gens nous écoutent dans le monde, qui sont catholiques, ou bien le prêtre, ou bien le pape, même le mime, s'ils écoutent maintenant, ou bien les cardinaux nous écoutent maintenant, qu'est-ce que toi, en tant que, comme tu as compris la vérité, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je dirais aux catholiques de chercher, de rentrer dans la Bible. Chercher à lire et connaître la vérité. Parce que tant que tu n'as pas lu la Bible, tu ne peux pas savoir. Tu vas continuer à vivre dans l'ignorance. Parce qu'à l'église catholique, on ne dit pas la vérité aux gens. On ne rentre pas dans la Bible. On est constamment dans les petites brochures que les êtres humains comme nous ont écrites. Donc, qu'est-ce que. Dis la Bible, la vérité est dans la Bible. Toi-même, donne le message au pasteur, au prêtre qui te dit maintenant, qui t'écoute maintenant, c'est-à-dire les prêtres qui dirigent l'église catholique, qui sont à l'église catholique. Donne-leur toi-même le message, dis-leur quelque chose. Ce que je peux dire aux prêtres présentement, c'est d'insister sur le fait que les gens doivent lire la Bible. Oui. Vraiment penser à cela. Le prêtre lui-même, c'est Marie, cette Marie-là qui est démon. Comment lui-même doit faire? Et ici dans la Bible aujourd'hui, ici dans la Bible aujourd'hui, oui. Dieu nous a dit que qu'il y a un seul Dieu au monde, oui, un seul. Et un seul médiateur, oui. Qui est Jésus. Oui. Donc maintenant nous connaissons la vérité. Amen. Et essayer aussi de faire comprendre cela à tout le monde. Oui. Mais lui-même, il est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Oui. Lui, il recommence encore. Je nous sommes dans le cadre de prêtre. Donc je comprends que maintenant. On doit arrêter de demander à Marie d'intercéder pour nous. Qu'est-ce que le prêtre doit faire? Puisqu'il est censé faire ça d'après ce que Rome dit. Qu'est-ce que lui doit faire? lui-même, le prêtre doit arrêter de prier Marie. S'il arrête là maintenant, le Rome va le sanctionner. Il doit renoncer à cette profession-là, parce que c'est une profession. C'est la solution. Il doit renoncer. Donc tu penses que la solution pour le prêtre... Parce qu'on ne peut pas arrêter cette corruption, cette fornication-là, parce qu'il a dit que non, mieux il sort seulement, il va plus de bord. C'est vrai. Lui qui, il est un camp pour changer ça. Mm-hmm. Donc il doit sortir, t'as dit qu'il doit sortir de l'église catholique. Ok, maintenant, les familles qui sont plongées là-dedans, en Afrique, partout dans le monde entier, comme on nous écoute maintenant, toutes ces familles qui sont plongées dans le catholicisme, particulièrement l'Amérique du Sud, qui sont plongés dans le catholicisme, particulièrement le sud du Cameroun où les gens sont voués au catholicisme. Lorsqu'on touche là, on touche, c'est comme si la tradition, le catholicisme, c'est notre tradition. Qu'est-ce que tu vas dire à une maman, à un papa ou à une fille qui est de nous écouter, qui est dans le catholicisme? D'autres sont les enfants du cœur, d'autres sont les catéchistes eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je vais toujours dire aux catholiques de rentrer dans la Bible. La vérité est dans la Bible. Vous êtes à l'église catholique, vous vivez dans l'ignorance. Il y a des choses, des enseignements que les prêtres ne vous disent pas. Mais en rentrant dans la Bible, vous saurez la vérité. Et puis vous saurez quoi faire et quoi ne plus faire. Oui. Dieu nous a tout dit dans la Bible. La vérité est là-dedans. Cherchons la vérité, vraiment. Avec ça, nous aurons le vrai Dieu. Amen. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Amen. Voilà. C'est Jésus qui sauve. 1 Timothée 2, verset 4 et 5. C'est noté là, oui. Maintenant, prends-moi ce livre aussi dans le livre de Deutéronome. Nous sommes dans le Deutéronome là. Il y en a plein, c'est pas seulement sur le verset, c'est pas seulement voulu vous sommariser cela. Deutéronome, lisons cela d'abord. Deutéronome. Chapitre 4, nous sommes au chapitre 4 de Deutéronome. Tu y es? Oui, chapitre 4 de Deutéronome. Oui. Lis-nous. On y va. Chapitre 4, lis le verset 15 à 19, doucement. Puis on en conclut là maintenant. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, oui, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, oui, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, oui, une représentation de quelques idoles, oui, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous entendez ce qu'on a dit clairement là? Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Oui. Ah, oui. Veillez attentivement sur vos âmes. Oui. Donc, ça veut dire que le danger, c'est au niveau de quoi? De l'âme. Donc, ça veut dire que si tu fais quelque chose, c'est ton âme qui est touchée. Vous avez vu cela? De peur que vous ne vous corrompiez. Oui. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Oui. Une représentation de quelques idoles. Oui. La figure d'un homme. Oui. Et d'une femme. Oui. La figure d'un animal. Oui. Qui soit sur la terre, oui, la figure d'un oiseau qui, oui, vole dans les cieux, oui, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, oui, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux, oui, au-dessus de la terre. Oui. Veille sur ton âme, oui, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, oui, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, oui, toute l'armée des cieux toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc, et c'est maintenant, là, on vous demande de prier l'ange ceci. On dit clairement qu'on s'est interdit. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont les autres nations qui peuvent faire cela. Le peuple de Dieu ne doit pas faire ces choses. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. On lit maintenant, enfin, on termine là, le chapitre 16 maintenant. On avance. Ouais. Chapitre 16 maintenant. Après, tu vas noter, il n'y a pas de problème. Chapitre 4, d'abord, nous avons lu chapitre 4. 4, verset 15 à 19. Maintenant, note le chapitre 16. Tu veux le Deutéronome? Oui. Chapitre 16, verset 21 et 22. Et toi, tu nous lis. Lis et on conclut. Allons-y. Verset 21 et 22. Attends, c'est Deutéronome combien? Chapitre 16, verset 21. Là, okay, donc, 16, oui. 21 et 22. Oui. Dit, tu te fixeras. Non. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Comment on lit? Toi, tu ris seulement, ma chère. Tu ne fixeras aucune idole, oui, de bois. Tu connais ce qui se passe à côté de l'autel que tu élèveras à l'éternel. Tu ne ficheras quoi? Après, tu vas dire aucune idole. Aucune idole. Continue. Toi, à côté 20. De l'autel que tu élèveras à l'éternel ton Dieu. Verset 22. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'éternel. Ferme la Bible maintenant. Ton Dieu. Dieu. Ferme la Bible. Oui, c'est Deutéronome, c'est vous avez noté. Alors je pose la question. L'église catholique se moque de Dieu, s'en fiche de Dieu, sait qu'elle va aller être détruite au fond de la mer parce que Dieu va frapper cela, le Vatican principalement. Mais il veut entraîner les âmes de tous ceux qui sont mourir avec les autres. Avec les autres. Il sait que vous ne voulez pas mourir avec elle, n'est-ce pas? On n'a pas construit l'église catholique pour vous. Alors, on conclut que le pape est un menteur. Les cardinaux. C'est un menteur. Ce qu'on appelle Saint Siège, c'est le siège de toute impurité, toute fornication et toute impudicité. Oui. N'en plaise à tous ceux qui peuvent dire maintenant qu'on en est les juger. D'accord? S'ils appellent le nom de Christ, ils l'appellent comme ça. En réalité, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible qu'on prononce son nom dans la sainteté. Alors, tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils sortent de l'église catholique. Ce n'est que la solution. En fait, ce n'est même pas la solution pour nous. Dieu a dit clairement, mon peuple, sortez du milieu d'elle. C'est ce que la Bible déclare. Prenons 2 Corinthiens. Sortez du milieu. 2, mon peuple. Lisons. 2 Corinthiens. Notez, pardon pour noter. Je vous ouvre cela. 2 Corinthiens, chapitre 6. Vous avez noté. Encore. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Lisons. Verset 14 jusqu'à 18. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Oui, à 18, allons-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part à le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Oui. Dieu vivant. Oui. Comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Alors, stop. Donc, Dieu a donné l'ordre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Il dit, c'est pourquoi? Séparez-vous, sortez du milieu et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, n'est-ce pas? Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Et des filles, dit le Seigneur, Tout-Puissant. Que Dieu vous aide, d'accord, à marcher dans la vérité. Si vous voulez marcher dans la vérité, et tous les autres qui sont les catholiques, qui veulent la vérité, on est prêt à les conduire à la voie de la vérité. Et il n'y a pas deux façons. Vous devez abandonner la fausseté pour suivre ce que la Bible déclare. C'est la Bible. Jésus a dit, vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 6, si vous prenez le chapitre 5, il dit là-bas aux Juifs qui étaient de le fustiger, il dit que si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à moi? Disons cela dans ces gens-là. Je comprends maintenant pourquoi je fais tout pour aller à l'église et j'ai plus le temps. Je pourrais aller à la messe chaque dimanche, ça marche pas. Maître. Tu voulais aller participer à la sorcellerie, quoi. Je me plie en quatre pour faire la messe, il n'y a pas moyen. Je suis obligée de suivre les enseignements de mon voisin parce que pendant mes travaux, il fait sa messe. Tu profites, ça m'édifie aussi, non? Je n'arrive plus à aller à l'église. Et chaque fois, il me dit que ouais, peut-être Dieu voit quand même que je crois en lui et je le cherche. Je n'arrive pas à l'église, mais il sait que je le veux. Je veux marcher avec lui. C'est comme ça que je me console quand il n'arrive pas là à l'église. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la messe. Nous allons lire Jean, catholique. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Jean chapitre 5, verset 45 à 47. Mais je vois 45. Allons-y. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Oui. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Oui. en qui vous avez mis votre espérance. Oui. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Mm-hmm. Parce qu'il a écrit de moi. Donc, Jésus parle de l'écrit. Donc, on lit quelque chose que Moïse a écrit. Non, il dit que, si, que si vous croyez vraiment, alors vous devez savoir qu'il a parlé de moi là-dedans. Je suis en train de parler au niveau du fait que si vous cherchez la vérité, ça se trouve écrit quelque part. Mm-hmm. Continuons. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Donc, ça veut dire que si tu ne peux pas croire à ce qu'on a écrit, c'est que ce n'est pas possible que tu crois. D'accord? Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on vient d'entendre vient de la parole de Christ. Ça doit venir de la parole de Christ. D'accord? On ne peut pas dévoiler la Bible parce que c'est pour ça qu'on a conçu tout autour des mystères là-bas. Verset 45. On commence à dire que donc, si tu lis la Bible, tu vas être folle. Si tu n'essaies pas de lire toute la Bible, n'essaies pas de chercher. Ils nous ont dit ça avant. Parce qu'ils savent que si vous lisez, vous allez connaître la vérité. On va même plus passer là-bas. Oui. Ils nous ont dit ça avant. Et c'est pour ça que tu vois les catholiques, la plupart ne partent pas à l'église avec les Bibles. On ne lit pas les Bibles. Prions. Ils n'ont pas de Bible. Tendre Père, tu es Dieu. Merci parce que tu as dit au Dieu qu'il n'y a rien de caché qui ne devait être dévoilé. Merci Seigneur Dieu de gloire parce qu'en ce moment de ce soir, tu enlèves tes enfants dans cette abomination catholique. Merci Père de gloire pour tous ceux-là que tu avais destiné de sortir et qui nous écoutent maintenant dans le monde entier. Merci pour ces groupes de personnes, Père de gloire, qui sortent maintenant de cette abomination. J'ai prié au Dieu de gloire pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, quelque lieu que ce soit, que ce message est écouté dans le monde entier. J'ai prié au Dieu de gloire pour tous ceux-là qui étaient sous le joug de cet esprit maléfique de la reine du ciel, que tu les arraches au Dieu de gloire de cela au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu éclaires et tu ouvres les yeux de tous ceux qui étaient dans ce mensonge enveloppé. Ouvre les yeux maintenant, que les écailles tombent de leurs yeux au nom du Seigneur Jésus. Pour tous ceux-là, au Dieu de gloire, qui observaient ces abominations et qui se disaient, oh Dieu, que je suis qui pour juger. Père de gloire, dis-leur dans leur cœur maintenant qu'ils aient à sortir et de te chercher toi-même. Car tu n'es pas dans les abominations, tu n'es pas dans le mélange. Seigneur, tu as dit ici dans Luc au chapitre 11, versets 20 à 27 que nous avons lu, Père, tu nous as dit clairement que soit on est avec toi, soit on n'est pas avec toi. Je prie, Père de gloire, que tu fasses comprendre à quelqu'un que ce n'est pas sa maman, ta maman qui doit être élevée. Et que bien plus de cela, ce n'est pas ta maman, ô Dieu de gloire, qui est manifestée dans l'Église catholique. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans l'Église catholique. Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible qui se trouve dans l'Église catholique, malgré qu'on écrit le Christ, le Seigneur, ainsi de suite. Seigneur, donne-leur, ô Dieu, de comprendre qu'il n'y a pas la compromission entre la vérité et le mensonge. Que tout ce qui sort de toi est vérité, il n'y a pas de mélange. Mais que cette abomination secte a mélangé les traditions païennes que nous avons lues ici dans ce livre de l'huile d'Iran, avec des festivités païennes, ils ont mélangé cela avec les choses dites chrétiennes et ils ont troublé les gens. Et Seigneur, comme ils ont été les premiers sur la terre à être institutionnalisés, on a pris cela pour vrai. Mais ce soir, tu es en train d'amener la lumière pour que les gens comprennent qu'ils étaient dans les ténèbres. Je prie, Père, que tu délivres tes enfants et que tu ouvres davantage tes enfants dans le monde entier pour parler contre ces choses-là, pour faire sortir tes enfants. Que ton nom se soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, ancien catholique, que Dieu bénisse, ancien catholique. Que Dieu bénisse, ancien catholique. Verset combien? Non, c'est verset 45 à 47. 45.